إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc on continue inshallah ta'ala بعون الله l'explication du livre القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. Le dernier cours, on s'est arrêté à la question, ou plutôt à la règle, on s'est arrêté à la règle 2. Al-qa'idatu thaniya, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Une règle donc qu'on a expliquée, et on a vu à partir de là, que les noms d'Allah azawajal représentaient donc ce que l'on appelle le terme a'lam, et également awsaf, a'lam wa awsaf. Et donc des termes qu'on a expliqués la dernière fois. A'lam, bien entendu, par rapport à l'entité d'Allah Azza wa Jal, ou Awsaf, par rapport à ce qu'il contient comme signification, comme sens. Et ensuite, on avait vu qu'à partir de cette règle-là, on réfutait ce qu'ont établi et prétendu certaines sectes de l'islam et qui ont dit que l'on atteste le nom d'Allah Azza wa Jal sans en attester ce qu'il contient comme attribut, comme signification. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'on atteste qu'Allah Azza wa Jal wa sami'a, c'est-à-dire celui qui entend, bila sam, mais qui n'a pas d'ouï. Qu'il est al-basir, celui qui voit, mais qui n'a pas de vue. Aziz, bidoun, izza, etc. Donc, ça, c'est ahlul ta'til. C'est ceux donc qui ont renié, en réalité, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Fahaoula yuthbitun al-alamiyya. C'est-à-dire donc qu'ils vont attester ce qui est propre au nom, uniquement. Et ils vont renier et écarter ce que comprend le nom comme ce qu'on appelle al-wasfiya, comme ce qui est propre à l'attribut, au sens. Et on avait vu que leur argumentation par rapport à cela, c'était tout simplement de dire, si on atteste tous ces attributs-là, alors cela va impliquer que l'on va attester qu'il y a plusieurs divinités. Et on a vu que c'était donc une argumentation qui était caduque, qui était, comme l'a dit le shir, meyita, qui était morte. Et le shir, dans son livre, il va répondre donc à cette ambiguïté par deux choses. Il nous dit بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. C'est-à-dire que deux choses vont nous indiquer que ce qu'ils ont mis en avant comme illa, c'est-à-dire comme cause, la cause donc qui a fait qu'ils ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jal, on va voir que cette argumentation elle est caduque sous deux aspects. Le premier, de par As-Sam. Et lorsqu'on dit, bien entendu, As-Sam, c'est ce qui est propre, donc, à la révélation. Lorsqu'on dit As-Sam, bien entendu, c'est l'écoute. Et ce que l'on veut dire par ce terme-là, ce que les savants veulent dire par ce terme-là, lorsqu'ils emploient ce terme, l'idalalati As-Sam, il veut dire en réalité la révélation, c'est-à-dire les textes législatifs, qui repose bien entendu sur Al-Qur'an, sur le Coran, et également sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il va nous dire, pour ce qui est de As-Sam, pour ce qui repose donc sur les preuves du Coran et de la sunna, qui vont donc annuler cette argumentation, qui vont mettre à l'eau cette argumentation. Il nous dit le chien Amma As-Sam, فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَوْصَافٍ كَثِيرَةٍ مَعَ أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ. Il va nous dire tout simplement qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, Subhana, il a décrit lui-même avec plusieurs attributs, avec différentes descriptions, alors qu'il est le seul et il est l'unique. فَقَالَ تَعَالَى, il va donc vous donner des exemples de shirk, comme dans ce verset qui est fait surat al-Buruj, ou dans ces versets, fait surat al-Buruj, إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Tous les versets qu'il va citer le shir, et qui sont pris donc de surat al-Buruj, ce sont en réalité tous des attributs d'Allah Azza wa Jalla, que l'on voit donc à travers ce qui est cité. La riposte de ton Seigneur redoutable, donc ici la riposte. C'est lui certes qui commence la création et la refait. Donc qui commence la création et la refait. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Et c'est lui le pardonneur le tout affectueux. Huwa al-ghafur al-wadud. Le maître du trône, le tout glorieux. Dhul arshi al-majid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Donc tout ça, c'est bien entendu des attributs d'Allah Azza wa Jal. On voit donc ses actes et ses attributs qu'Allah Azza wa Jal, donc, il fait. Et il y en a plusieurs qui sont cités dans ces versets du Coran. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il est unique. Ça ne voudrait pas dire qu'à chaque fois qu'il y a l'attestation ici, à travers ces versets, d'un attribut d'Allah Azza wa Jal, qu'il y aurait donc plusieurs divinités. Ceci donc est plus que nul. Wa qala ta'ala, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. De même ici, on va voir plusieurs attributs d'Allah Azza wa Jal, plusieurs descriptions de ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. سبح اسم ربك الأعلى, celui qui a créé et agencé harmonieusement. الذي خلق فسوى, qui a décrété et guidé, والذي قدر فهدى, et qui a fait pousser le pâturage, والذي أخرج المرعى, et en a fait ensuite un foin sombre, فجعله غثاء أحوى. Donc on voit ici toutes les actions d'Allah Azza wa Jal, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont donc ici attestés de par ces versets, alors qu'Allah Azza wa Jal, il est l'unique, والواحد والأحد subhanahu. Donc, de par ces versets et d'autres, comme dit le shir, فَفِي هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَوْصَافٌ كَثِيرَةٌ لِمُوصُوفٍ وَاحِدٍ. Donc, on trouve beaucoup de descriptions d'Allah Azza wa Jal dans ces versets, alors que celui qui est décrit ici, il est unique. وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِيَا تَعَدُّدُ الْقُدَمَةِ. C'est-à-dire que cela n'implique pas d'attester tous ces descriptions, tous ces attributs d'Allah Azza wa Jal. Cela ne va pas impliquer en réalité d'attester la pluralité par rapport bien entendu aux divinités, c'est-à-dire attester qu'il y a plusieurs divinités. Hada batil bil kitab. Donc ici c'est annulé de par le livre d'Allah Azza wa Jal. Wa amma al-aql, et également le shir, il va revenir à la raison même de l'homme, à la raison saine de l'homme, qui ne peut accepter une telle proposition, une telle argumentation. Ayadan billah, cette parole-là. Il nous dit donc wa amal aql, la raison donc, en revenant à la raison saine de l'homme, li anna sifati laysat dawatin ba'inatan min al-mawsuf hatta yalzama min thubuti at-ta'addud wa inna ma hiya min sifati man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bihi wa kullu mawjudun fala budda lahu min ta'addudi sifati fa fihi sifatul wujud wa kawnihi wajibul wujud wa mumkinul wujud wa kawnihi 'aynan qa'iman bi nafsihi aw sif aw wasfan. Ici le shir va nous dire donc, de par notre raison, on va s'apercevoir que as-sifat, donc les attributs divins ici, ce ne sont pas des entités à part entière, c'est-à-dire des entités qui sont distinctes et séparées de celui qui est décrit. Ici, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces attributs, ce ne sont pas des entités dhawat en elles-mêmes, à part entière. Elles ne sont pas distinctes et séparées, donc, de celui par qui on décrit. C'est-à-dire ici Allah azawajal, Moussouf, celui qui est décrit. Ici, Allah. Hatta yalzama min thubutiyat ta'addud. Donc, jusqu'à que, et cela donc ne va impliquer, cela ne peut impliquer aucunement qu'on va attester qu'il y a plusieurs divinités si on attestait donc ces attributs. Car ces attributs-là, comme il nous dit le shir, wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha, fa hiya qa'imatun bihi. Donc ce sont des parties intégrantes. C'est-à-dire ce sont des attributs qui sont d'Allah Azzawajal et qui ne sont pas donc distincts et séparés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient bien à Allah subhanahu wa ta'ala ces attributs. Donc ça fait partie d'Allah Azzawajal et non des choses qui seraient donc distinctes de lui. Pour enfin dire que si on attribuait cela à Allah Azzawajal, on serait obligé donc, ou cela impliquerait qu'il y ait plusieurs divinités. Et il va nous donner ici un exemple, le shirk, qui est élémentaire par rapport donc au raisonnement, et qui va tout simplement, à partir de là, prouver que ce qu'ils ont avancé, eux, ces gens de l'innovation, c'est faux. Il nous dit, وَكُلُ مُوْجُودٍ فَلَبُدَّ لَهُ مِنْ تَعَدُّدِ صِفَاتِ. C'est-à-dire toute chose qui va être présente, c'est-à-dire qui va être existante dans cette vie, qui va être existante. وَكُلُ مُوْجُودٍ فَلَبُدَّ لَهُ مِنْ تَعَدُّدِ صِفَاتِ. C'est-à-dire, il faut automatiquement qu'il ait plusieurs attributs. Cette chose qui est présente, donc ici, il lui faut plusieurs attributs, automatiquement. فَلَبُدَّ لَهُ فَفِهِ صِفَةُ الْوُجُودِ. Ça donc, c'est la première. صِفَةُ الْوُجُودِ, c'est-à-dire الْوُجُودِيَة. C'est-à-dire que, automatiquement, cette chose va avoir l'attribut de la présence même, donc, ce qu'on appelle donc sifatul wujud. Donc cette chose, elle est présente, elle est existante, donc elle est présente. Wa kawni wajibul wujud aw mumkin al wujud, wajibul wujud aw mumkin al wujud. Cette existence là, cette présence va être obligatoire, et en réalité ici c'est Allah azawajal, wujud Allah, c'est-à-dire lorsqu'on dit wajib al-wujud, c'est-à-dire l'existence qui est obligatoire, on veut par là l'existence d'Allah. Car l'existence d'Allah azawajal est une chose qui est obligatoire. Est une chose donc qui est obligatoire. C'est pour ça qu'on dit wajib al-wujud. Aw mumkin al-wujud, qui existe de manière possible. C'est-à-dire la possibilité d'exister. Ici, c'est le cas, bien entendu, de toutes les al-makhluqat. Et parmi eux, les hommes, c'est-à-dire de toutes les créatures, et parmi ces créatures, les hommes. C'est-à-dire qu'elles peuvent exister ou ne peuvent pas exister. Elles peuvent exister, il est possible qu'elles existent. Ici, c'est une possibilité uniquement. Alors que dans le cas d'Allah Azzawajal, bien entendu, son existence est obligatoire. Donc ici, Al-Wujudiyya, et c'est ce sifat, donc, sifat Al-Wujud, il faut se différencier donc de deux manières, soit Wajib Al-Wujud, pour le cas d'Allah Azzawajal, ou Mumkin Al-Wujud, pour le cas de toutes les créatures. Et ensuite, il nous dit le shirk, wa kawni aynan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghayrihi. Ou alors, que ça va être donc une chose qui existe de par elle-même, comme le cas de l'homme, à titre d'exemple, comme le cas de l'homme, aw wasfan fi ghayrihi. Ou alors, un attribut qui va lui être attribué, comme par exemple as-sam, comme par exemple al-basar, comme le fait donc de voir, comme le fait d'écouter. Cela donc est considéré comme un wasf. Et ce wasf, ici, il n'est pas existant en lui-même, mais il va exister donc à partir de l'homme, pour ce qui est bien entendu ici du cas de l'homme. Lorsque l'homme est présent et qu'il existe, et de lui-même il existe, automatiquement donc il a ses awsaf, il a donc ses attributs, comme sam, comme al-basar, etc. Et qui, eux par contre, ne sont pas existants en eux-mêmes, mais ils sont existants à partir donc de la présence de l'homme. Ça donc, c'est ce qui nous prouve le shirk, de par un raisonnement, pour argumenter que ce qu'ils ont, eux, attribué à Allah Azzawajal, est totalement faux. Donc le fait d'attribuer des noms sans attribuer des attributs. Quand on a vu que que tout ce qui va être donc ici présent, il a obligatoirement des attributs. Et on a vu donc à l'exemple de l'attribut de l'existence, que cette existence se divisait en deux catégories. Et également le fait qu'il était existant par lui-même ou pas, etc. Il est impossible de ne pas attester les attributs d'Allah Azzawajal, de par le Coran, As-Sam, c'est-à-dire la révélation, ou alors de par le raisonnement qui lui est saint. Le shir, à partir de ce qu'il a présenté et argumenté, argumentation reposant sur des preuves, il va ensuite donc nous dire, le shir, qu'à partir de là, c'est-à-dire à partir de la règle, on est toujours dans la deuxième règle ici, Asma'ullah ta'ala, a'lamun wa awsaf. Il va nous dire, le shir, qu'on ne peut donc attribuer un des termes qui se trouvent dans le Coran et qui se trouvent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un terme dont certains savants ont fait l'erreur d'attribuer à Allah azawajal comme nom, soit Ibn Hazm ou d'autres savants encore. Et c'est le shir donc qui va nous prouver et argumenter que ce terme-là qui est ad-dahr, ce terme qui est ad-dahr, et que l'on traduit par le temps. Ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala, li'annahu ismun jamidun la yatadammanu ma'na yulhiqu bil asma'il husna aw yulhiqu bil asma'il husna wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman. Qala Allah ta'ala 'an munkir al-bahth wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. Ici le shir qui nous dit que le temps, donc ad-dahr, ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azzawajal. Pourquoi ça? Parce que dans un premier temps, c'est un nom, ici ce terme donc ad-dahr, c'est un nom qui est jamid, c'est-à-dire inanimé, et qui ne peut contenir ce qui va le faire raccrocher au nom d'Allah, au nom noble d'Allah Azzawajal. Car on a vu que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils comprenaient ce qui était pur et ils comprenaient ce qui était noble. Alors qu'ici, ad-dahr, le temps, ça ne comprend absolument pas cela. Parce que c'est une chose en réalité qui est jamid, comme nous le dit le shir. Et parce que c'est un nom qui est employé pour désigner ce qui est du temporel, du chronologique. Les waqt wa zaman. C'est pour ça donc qu'Allah Azzawajal, il a nommé ce terme-là dans son livre. Et il a dit à propos de ceux qui renient la résurrection. Dans ce verset qu'on a cité, « وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ » qui est donc fi surat al-Jafia, qui est le verset 24. Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Donc ici, seul le temps nous fait périr. Donc à partir de là, on s'aperçoit que ce terme ici, ad-dahr, il a pour signification uniquement donc ce qui est du temporel, du chronologique. Ils veulent dire donc par là, comme l'a dit le shir, Murul al-layali wal-ayam, c'est-à-dire donc le passage des jours et des nuits. Pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité l'ambiguïté elle est venue de cette parole que certains ont compris et compris de mauvaise façon. C'est ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fi kitab al-tafsir, fi sahihi fi kitab al-tafsir, ou l'imam muslim également. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul dans ce hadith qudsi, قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. Donc ce hadith qui est le suivant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, le fils d'Adam m'a insulté ou m'a offensé, يؤذيني, m'a offensé. Il insulte le temps, Yasubuddah, il insulte le temps. Et moi, je suis le temps. Wa anad-dahr, biyadi al-amr, Donc, c'est à moi. C'est à moi donc qu'appartient Al-Amr. Donc ici, Al-Amr, qui est le fait, en réalité, de gérer. Biyadi Al-Amr. Uqallibu Al-Layla wa Al-Nahar. Donc, j'alterne la nuit et le jour. Donc, je possède en ma main et Al-Amr. C'est-à-dire, le fait de gérer les affaires. Uqallibu Al-Layla wa Al-Nahar. J'alterne la nuit et le jour. Il nous dit le shir, فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Ce hadith, en réalité, il ne prouve pas que الدَّهْر, le temps, fait partie des noms d'Allah Azzawajal. Ce qu'on aurait pu comprendre à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rapporte d'Allah Azzawajal, وَأَنَا الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرَ. Je suis donc le temps. Il dit le shir, وَذَلِكَ أن الذين يسبون الدار إنما يريدون الزمان الذي ومحل الحوادث. Que ceux qui en réalité insultent le temps, ils veulent par là insulter الزمان. Ils veulent insulter donc الزمان. En réalité, ils veulent insulter le temporel, qui est le champ réceptif, ou alors où se produisent les événements. Tous les événements, lorsqu'ils se produisent, ils se produisent bien entendu dans un temps, dans le temps, الزمان. Donc en réalité, eux, ils insultent cela lorsqu'ils insultent. La yuridun Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas insulter par là Allah Azza wa Jalla. Fayakun ma'na qawlihi wa an dar mafassaru bi qawli bi yadi al-amr uqallibu al-layla wa an-nahar. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit je suis le temps wa an dar, cette parole-là va être expliquée par la suite du hadith, par la suite de la parole. بِيَدِي الْأَمْرُ قَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. C'est-à-dire que donc j'alterne la nuit et le jour. فَهُوَ سُبْحَانَ خَالِقُ الدَّارِ وَمَا فِيهِ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé le temps et ce qu'il contient, tout ce qui se passe à l'intérieur, الحوادث, tous les événements. وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Pourquoi? Parce qu'il a donc mis en évidence qu'il alternait la nuit et le jour. وَهُمَا الدَّارِ. Et bien entendu, ce sont ces deux choses qui sont la nuit et qui sont le jour font partie, bien entendu, ils sont partie intégrante de quoi, et représentent donc le temps. وَلَا يُمْكِنَ يَكُونَ الْمُقَلِّبُ بِكَسَرِ الْلَّامِ. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que ce qu'on appelle ici le muqallib. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ هُوَ الَّذِي يُقَلِّبُ هُوَ الْمُقَلِّبُ. Donc c'est lui qui fait l'action ici. C'est lui qui fait l'action ici. Donc il nous dit le shir, il n'est pas possible. ولا يمكن أن يكون المقلب, celui qui fait l'action, c'est Allah Azza wa Jal ici, هو المقلب, c'est celui qui serait donc alterné. C'est pas possible. Ce qui est alterné ici, c'est الدهر, c'est le temps. Et celui qui alterne, c'est Allah, المقلب. المقلب, c'est Allah Azza wa Jal. والمقلب بالفتحة, والمقلب بالفتحة, اسم مفعول هنا, والآخر اسم فاعل. Celui qui va, al-muqallab, celui donc qui va recevoir l'action, qui va être réceptif de l'action, c'est bien entendu al-muqallab, ici al-dahr. Donc ça ne peut pas être possible qu'Allah Azza wa Jalla soit lui al-muqallib et en même temps al-muqallab. Donc on est obligé de comprendre ici de façon plus que claire que Allah Azza wa Jalla, il est en réalité le maître du temps. Qu'Allah Azza wa Jalla, c'est lui, yuqallib al-dahr. C'est lui donc qui alterne, qui fait alterner donc les jours et la nuit. Et donc, le temps, celui qui crée le temps, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne peut être, on ne peut donc nommer Allah Azza wa Jal de par ce terme-là, le temps. وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الدَّهْرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُرَادًا بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible que le temps ici, الدَّهْر, on ait voulu dire par là Allah Azza wa Jal. Donc si ça c'est une faïda, c'est-à-dire c'est une chose qui est importante à savoir, et dont certaines personnes tombent dans l'erreur, et même parmi eux des savants d'avant qui sont tombés donc dans l'erreur et qui ont compris ce hadith par cette parole wa'an ad-dahr, qu'ils ont compris donc que ça faisait partie ad-dahr des noms d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu donc que en réalité le temps, et en revenant à cette règle même asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf, on voit bien donc que ad-dahr, il ne comprend pas en réalité d'attribut tayyib, il ne comprend pas donc un sens noble, il ne peut donc faire partie de par cette règle là des noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, à titre de faïda, si on dirait Yaddar. C'est-à-dire qu'on appellera Allah Azzawajal par ce que certains ont cru que c'était le nom d'Allah Azzawajal, Dar. Si on dirait Yaddar. Ici donc, il y aurait deux possibilités. Soit que la personne, elle sait que ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azzawajal. Donc elle appelle un autre qu'Allah. Elle fait l'invocation d'un autre qu'Allah lorsqu'elle dit Yaddar. Et ça, bien entendu, c'est du shirk. C'est du polythéisme. Ou alors, si elle croit que ça fait partie des noms d'Allah et qu'elle appelle Allah Azzawajal, alors elle a nommé Allah Azzawajal parce que lui, il ne s'est pas nommé. Donc il a nommé Allah Azzawajal par un autre nom qui ne fait pas partie des noms d'Allah Azzawajal. Et on verra plus tard que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'arrêtent au texte législatif. C'est-à-dire qu'on les prend soit du Coran, soit de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rien d'autre. Et ça, ce sera une règle en elle-même. On reviendra ici pour l'expliquer. Taïeb, pour ceux qui insultent le temps et ce qui s'y passe, et qui n'acceptent pas donc ce qui va y être destiné, prédestiné, soit en réalité ils vont faire un acte de shirk, ou de kufr, ou de mécréance, en ayant donc la croyance que ad-dahr, c'est-à-dire donc le temps, il se gère donc lui-même. Et ça, c'est bien entendu du shirk. Ça, c'est du shirk. Ou alors ils insultent le temps, et par là ils savent que c'est Allah Azzawajal qui est le maître du temps, qui est celui alladhi yudabbir, qui est celui donc qui gère le temps. Et s'ils ont donc cette croyance, c'est bien entendu ici du kufr, c'est bien entendu de la mécréance envers Allah Azzawajal que d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers l'insulte qu'ils font du temps. Donc soit c'est du shirk s'ils croient que le temps lui-même il se gère, ils insultent donc uniquement le temps par là, dans leur croyance à eux, c'est du shirk, de l'associationnisme, ou alors c'est du kufr si ils savent que c'est Allah Azzawajal qui gère, et donc à travers l'insulte du temps, ils insultent indirectement Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir terminé avec cette deuxième règle concernant les noms d'Allah Azzawajal, on va commencer à expliquer la troisième règle, qui est القاعدة الثالثة. يقول الشيخ أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها ثبوت حكمها ومقتضاها. Le shir ici, il va nous dire dans cette règle, Asma'ullahi ta'ala indallat ala wasfin muta'addin. On sait que tous les noms d'Allah Azzawajal, ils vont indiquer un attribut. Ou plusieurs attributs. Comme on l'a vu. Cet attribut-là, ce wasf, cet attribut, cette description, elle va être de deux cas. Soit elle va être ce qu'on appelle lazim, ou soit elle va être ce qu'on appelle muta'addin. Lazim ou muta'addi? Lazim ou muta'addi? Qu'est-ce que veut dire ce terme muta'addi? Parce qu'ici, dans la règle, on va voir ceux qui sont dits, les descriptions qui sont dites muta'addi. La signification de ce terme muta'addi, cet attribut d'Allah Azzawajal va avoir un effet sur ses créatures. Va avoir un effet sur ses créatures. Par exemple, Allah Azzawajal ou Al-Khaliq. Son nom c'est Al-Khaliq. Ça fait partie des noms d'Allah Azzawajal. Il est donc le créateur. Qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'il comprend ce nom comme attribut? Al-Khalq. La création. Al-Khalq. Hadha al-wasf. Al-Khalq. Cette création, est-ce qu'elle est muta'addi ou lazim? Muta'addi que l'on traduit par transitif et lazim que l'on traduit par intransitif. L'exemple de Al-Khalq, on va savoir que c'est ici muta'addi, que c'est transitif. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué, atharuhu, donc son effet va concerner les créatures. Et donc cet attribut, son effet va directement, on va le retrouver directement sur les créatures. C'est-à-dire donc Allah Azza wa Jalla, il crée, et donc on va voir ces créatures qui sont créées. Et donc c'est le résultat, c'est l'effet de la création. Donc on voit que c'est mutaaddi, ça a été transitif. Pourquoi ? Parce qu'on a vu donc cet effet-là sur ces créatures. De même, un autre exemple, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Celui qui pourvoit, Ar-Razzaq, son attribut, ça va être Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, et non Ar-Rizq. On dit bien Ar-Razzaq, Bil-Fatha. Parce qu'Ar-Rizq, c'est Al-Marzouq, la chose qui est donnée, la pourvoyance. Par contre, Ar-Razzaq, c'est bel et bien le Sifa. C'est le Sifat, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jalla. Donc Ar-Razzaq, ici, c'est l'attribut qui est compris dans le nom d'Allah, Ar-Razzaq. Cet attribut-là, on va en voir tout simplement l'effet lorsque la personne, elle reçoit les biens d'Allah Azza wa Jalla à travers sa nourriture, etc. Ça, c'est l'effet de l'attribut Ar-Razzaq. Donc, c'est bien transitif. Ça a bien eu ici un effet sur les créatures. Tayyib. Ça, c'est pour ce qui est mutaaddi. Al-wasf, al-mutaaddiya, ou sifat, al-mutaaddiya. Transitif. Ce qui vient, bien entendu, à l'opposé de cela, c'est ce qui est lazim. C'est ce qui est lazim. Et al-lazim, ce qu'on traduit par intransitif. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'effet sur les créatures. La yatajawaz, atharu, al-ghaib min al-makhluqat. Tayyib. C'est-à-dire tout simplement, il n'y aura pas d'effet de cet attribut sur les créatures. On va donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si on prend le nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Hayy. Al-Hayy, c'est-à-dire le vivant. Le vivant, il va bien entendu, ce nom, il va comprendre un attribut et qui est Al-Haya, qui est donc la vie. Al-Hayat, la vie. Donc cette vie, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que la vie, elle a, on va voir donc qu'il y a un effet sur les créatures? Non, il n'y a pas d'effet ici qu'on voit, qu'on perçoit sur les créatures, contrairement donc à l'attribut Ar-Razzaq, contrairement à l'attribut Al-Khalq, contrairement à l'attribut Kadhalik Al-Karam, qui vient donc du nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Karim, le généreux. Allah Azza wa Jalla, le généreux, donc on voit la générosité qui va apparaître près des créatures. Donc ça, non, il est ici intransitif, ce nom Al-Hayy, ou l'attribut Al-Haya, qui est tiré du nom Al-Hayy. De même, par exemple, Al-Jalil, de même, par exemple, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Azim, tous ces noms-là, ils comprennent donc des attributs qui sont, eux, intransitifs, qui sont dits Lazim. Eh bien, on va voir que lorsque l'attribut qui est contenu dans le nom d'Allah Azza wa Jalla, il est transitif ou intransitif, automatiquement, on va voir des règles. C'est pour ça qu'il va nous dire le shir, Asma'ullahi ta'ala, in dallat ala wasfin muta'addin, tadammanat thalathat umur. C'est-à-dire, si les noms d'Allah Azza wa Jalla indiquent et donc comprennent une description ou un attribut qui est donc dit intransitif, ou arfouan ici transitif, muta'addi transitif, il va comprendre trois choses. Il va comprendre trois choses. Par contre, si le nom d'Allah ou les noms d'Allah Azza wa Jalla comprennent et indiquent un attribut qui va être intransitif, lui, c'est-à-dire l'azim, qui va être donc l'azim, ghayru muta'addi, il va comprendre à ce moment-là deux choses uniquement. Donc celui qui est muta'addi, il va comprendre trois choses. Celui qui est transitif va comprendre trois choses. Celui qui est intransitif, l'azim, il va comprendre uniquement deux choses, et ce qu'on va voir maintenant, inshallah. Il nous dit le shir, la première chose, ثُبُوتُ ذَلِكَ الْإِسْمِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْإِسْمِ لِلَّهِ Azza wa Jalla. C'est tout simplement qu'on va attester ce nom-là à Allah Azza wa Jalla. Ensuite, la deuxième chose, ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. C'est donc ici attester l'attribut qui est compris. Donc, dans le nom d'Allah عز وجل. Et ensuite, الثالث, ثبوت حكمها ومقتضاها. C'est-à-dire, attester ici le statut et ce que va impliquer cet attribut. Et c'est pour ça donc, certains savants disent pour le premier al-ism, pour le deuxième ils disent al-sifa, pour le troisième ils disent al-athar. Ils disent donc al-athar. Et là, on voit bien qu'il y a ici, qui rentre, qui revient le terme al-athar, comme on l'a expliqué, ou lorsqu'on l'a employé pour l'explication du terme muta'addi. Donc on voit bien ici le terme qui revient à l'athar. C'est pour ça que certains disent la première chose c'est al-ism, tayyib, ensuite al-sifa, et ensuite al-athar. On va donner un exemple pour cela. Le Cheikh nous donne l'exemple de As-Sami'. As-Sami'. Celui qui entend. Ou As-Sami'. Il dit le Cheikh, يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى. وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه. وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير. Donc le Cheikh il nous donne l'exemple de As-Sami', celui qui entend. On va attester ce nom là c'est-à-dire qu'As-Sami', on va le prendre donc comme étant un nom d'Allah Azzawajal, comme il a été cité dans le Coran, comme il a été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première chose, donc c'est simple. La deuxième chose elle est aussi simple, c'est-à-dire qu'on va attester à partir de là l'attribut qui est contenu dans ce nom et qui est ici As-Sam, qui est ici As-Sam, wa ithbatu as-sam'i sifatan lahu. Et la troisième chose, wa ithbatu hukmi dhalika wa muqtadahu, c'est-à-dire l'effet que cela va avoir, ce que cela va impliquer, le statut de cet attribut. Et il nous dit le Cheikh ici en l'occurrence As-Sami' ou As-Sam, wa annahu yasma'u السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, ça c'est la prochaine chose qu'on va attester, que ce nom et que c'est donc cet attribut va impliquer qu'Allah Azzawajal entend toute chose, ce qui est secret, ce qui est dit secrètement entre les gens, toute chose Allah Azzawajal il va l'entendre. C'est pour ça qu'alors qu'ils discutaient secrètement, Allah Azza wa Jalla entendait. Pourquoi ? Parce qu'Allah, il est audient